comme chez Barnum. Comme chez Barnum. Comme chez Barnum, petit bonhomme, tu dépenses du pétrole dans l'aquarium des grosses bagnoles. Comme chez Barnum, un bubblegum, un homme fait son capharnaüm pour s'envoyer dans le décorum. Barnum en uniforme, on mange des pop-corns. Comme chez Barnum, y a des surhommes. Comme chez Barnum, on me harponne en écoutant la grande fanfare. Comme chez Barnum, j'en fais des tonnes. Je picole, je dégringole en écoutant les Sex Pistols.